Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici les grands titres de ce journal. Le numéro 1, Burundi, appelle les Burundais à couper court avec la pratique liée à accumuler l'argent par la thésaurisation. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce même dossier, la Banque centrale appelle les banques et microfinances à respecter la mesure de lever la limitation des retraits. La bonne utilisation des méthodes de planification familiale naturelle doit être liée à la volonté des conjoints. Ceci ressort de la conférence des églises catholiques de la sous-région. Et en province Kayanza, 10 enfants sur 100 sont de pères inconnus. Patrick Sengiumba, notre correspondant au nord du pays, nous fera le point sur les trois derniers mois. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Issa Liliane Inamahoro et mis en onde par Anselme Irambona. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue. Le président de la République du Burundi invite les Burundais à couper court avec toute pratique liée à la thésaurisation. Évariste Ndayishimiye l'a dit ce jeudi dans une prière organisée à Maramvya, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, indiquant que la monnaie doit être en circulation. Le président burundais dit être surpris pour cause de certains messages lui adressés portant sur les lamentations de ceux qui avaient emporté à l'étranger les billets récemment changés par la décision de la Banque centrale. Suivez plutôt le président Evariste Ndayishimiye dans la traduction française de Alain Désiré Wukeneza. Une certaine personne m'a écrit un message. J'étais à l'étranger et voilà, j'avais dans ma poche 200 000 francs burundais. Je suis revenu alors que le délai de changer les billets est expiré. Je vous demande de me venir en aide. J'ai dit, partir à l'étranger avec les billets de la monnaie burundaise, c'est déjà une infraction. Le franc burundais est-il un dollar? Pourquoi? Ce n'est pas connaître ce que c'est la monnaie. Quand vous gardez l'argent dans la poche, c'est une grande perte pour le pays. La monnaie doit être en circulation. Il faut savoir que quand l'argent ne passe même des heures dans ta main, quand il ne cesse de dépenser, c'est que tu es dans la ligne du développement du pays. Ce qui n'est pas le cas quand vous gardez votre argent dans la poche durant toute une semaine. Et toujours sur cette page économie, la Banque centrale recommande aux banques et les institutions de microfinance de respecter la mesure de lever de la limitation des retraits. La BRB indique qu'il y a toujours des banques et institutions de microfinance qui limitent encore les montants de retrait à leurs clients. La Banque centrale invite les banques et microfinances à se focaliser sur la connaissance de ces opérations habituelles. En cas de retrait inhabituel, la Banque de la République du Burundi invite les banques commerciales à déclarer de cas de soupçon et sans délai à la cellule nationale de renseignement financier avec une copie à la Banque de la République du Burundi. En outre, la Banque centrale interpelle les établissements financiers au respect de la loi portant lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme en observant les règles et procédures de connaissance du client. Un fonds destiné à la réhabilitation des sites d'extraction des minerais sera bientôt mis en place, annonce du ministre ayant les minerais dans ses attributions. C'était lundi à l'hémicycle de Kigobe lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier et carrière au Burundi. Le ministre Ibrahim Ouidzeye a fait savoir que la gestion de ce fonds sera précisée dans les textes d'accompagnement. Suivez-le. Traduit en français par Moïse Misago. Il y a des articles qu'on a évoqués et un fonds qu'on a prévu qui vont aider dans la réhabilitation des sites d'extraction, car il y a des gens qui viennent extraire des minerais puis partent comme ça. C'est déplorable. C'est pourquoi nous disons qu'il y aura un fonds et sa gestion sera précisée dans les textes d'accompagnement. Et on va travailler avec les chargés de l'environnement, quitte à ce que chaque extracteur réhabilite bien le site qu'il a exploité et par après on lui rembourse les dépenses faites issues des fonds de garantie. Si on ne le fait pas ainsi, on peut évaluer le coût de la réhabilitation, puis on retire dans ce fonds et le ministère va réhabiliter ce site. C'est ce qu'on fera. C'est vrai, il y a des endroits non réhabilités. La plupart sont des sites illégalement exploités. C'est pourquoi nous travaillons avec l'administration, car ce sont ces gens qui opèrent illégalement, qui laissent les sites ainsi. Et par après, ça crée des conflits dans la communauté. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et oui, sur Isanganiro, il est 18h passé de 7 minutes. Page droit de la femme. À présent, certaines femmes veuves éprouvent des difficultés, surtout quand elles étaient en union libre. Point de vue de Maître Jean-Marie Nyondiko, président de l'association AG7, qui milite pour les droits de ces femmes, indiquant que certaines de ces femmes peuvent être privées de la jouissance des biens qu'elles avaient en commun avec leurs concubins. Il appelle l'État et les Burundais à protéger une telle catégorie de femmes. C'est au moment où le 23 juin, le monde célèbre la journée mondiale des veuves. Suivez Jean-Marie Nyondiko. La femme veuve burundaise, elle vit une situation précaire. Lorsque la femme devient veuve, il y a des litiges surtout fonciers qui naissent au sein de la famille, au sein de la famille propre. Alors qu'auparavant, au moment où le mari était encore en vie, ces litiges n'existaient pas. Et cela fait que la femme devient vraiment très faible, tant physiquement que moralement. Il trouve dans ce cas que la famille veuve devient en fait la pire ennemie, alors qu'auparavant c'était une cohésion presque totale. Donc, pour le moment, je demanderai en fait à ce que la famille propre puisse intervenir pour pouvoir montrer l'amour envers la femme veuve. Je demanderai en fait à ce que dans notre pays, ces résolutions soient sensibilisées à toute personne, surtout les veuves ou tous les décideurs burundais, pour qu'ils puissent intervenir pour défendre les droits des veuves. Il faut que dans chaque pays puisse y avoir une banque pour les veuves. Et oui, c'était Maître Jean-Marie Nyondiko, président de l'association AG7. Huit méthodes de planification familiale naturelle, dont l'allaitement maternel, sont conseillées aux conjoints dans le but de limiter les naissances. Propos de Vestine Moussabier-Maria, formatrice des ménages dans l'action familiale rwandaise et service de planification familiale naturelle. C'était lors d'une conférence réunissant les fidèles de l'Église catholique provenant du Rwanda, du Burundi et ceux de la République démocratique du Congo. La bonne utilisation de ces méthodes doit être liée à la volonté des conjoints. Suivez-la. Il y a la méthode de la glaire cervicale ou méthode d'ovulation où il y a le signe de la glaire cervicale à observer qui montre que la femme est en période fertile. Il y a une méthode de la température basale car la température basale de la femme donne une information à propos de sa fertilité. Il y a la méthode de la palpation du corps utérin car le corps utérin parmi les organes génitaux de la femme qui montre que la femme est en période fertile ou non. Il y a la méthode septothermique où on observe trois signes de la fertilité. Il y a le signe de la glaire cervicale, le signe du corps utérin et la température basale. Et donc le couple qui a choisi cette méthode peut utiliser soit les deux signes ou les trois signes pourvu qu'il y ait une température. Il y a la méthode où on observe deux signes. On appelle méthode à indice combiné, le corps et la glaire cervicale. Il y a encore la méthode de deux jours où on observe les sécrétions vaginales qui montrent que la femme est en période fertile ou non. Il y a aussi la catégorie des méthodes à critère d'éligibilité, la méthode des jours fixes, appelée communément la méthode du collier. Il y a aussi la méthode de l'allaitement maternel et de la minerie, qu'on appelle maman en sigle. C'est une méthode transitoire qui peut être utilisée par un couple où la femme a certains critères qu'elle remplisse pour pouvoir l'utiliser, mais surtout la femme qui n'a pas eu encore de retour de couche ou l'enfant est au sein maternel, exclusivement au sein maternel, et aussi qui n'a pas encore dépassé les 6 mois de naissance. Et j'ajoute que vous pourrez retrouver en image cette interview sur la télévision Isanganiro. Au moins 10 enfants sur 100 de naissance enregistrés à l'état civil de la commune Kayanza étaient de père inconnu ces 3 derniers mois, propos de Onesfor Nivizi, responsable de l'état civil communal à Kayanza. Des informations confirmées par Christian Baranidziguié, conseiller communal en charge des affaires sociales. Celui-ci plaide pour la mise en place d'une loi qui stipule l'octroi de la paternité à ce type d'enfants qui naissent de père inconnu. Le point avec Patrick Senguillonva. D'après des informations fournies par Onesfor Nivizi, responsable de l'état civil en commune Kayanza, ces derniers jours, il s'observait beaucoup en cette localité des cas de naissance enregistrés avec père inconnu. Son responsable de l'état civil en commune Kayanza fait savoir que ces 3 derniers mois, sur 300 naissances enregistrées, au moins 30 ou plus étaient de pères inconnus. Des informations confirmées d'ailleurs par Christian Balanizigué, conseiller communal Kayanza en charge des affaires sociales, juridiques et politiques. Selon cette autorité communale Kayanza, certaines des causes de ces cas de naissance à pères inconnus sont des enfants qui naissent quand leurs papas ne sont pas près de la famille et l'infidélité entre les mariés qui fait que quand un homme est marié en grosse et une jeune fille, celle-ci déclare l'enfant qu'il naît d'un père inconnu pour éviter qu'un conflit conjugal éclate entre les mariés. Pourtant, André Florian Davarushimana, psychosociologue à Kayanza, fait savoir que des conséquences psychologiques pour ce type d'enfant ne manquent pas. Il ajoute que cela génère aussi des conflits familiaux entre l'enfant et ses oncles maternels au moment du partage de l'héritage familial. Cela étant, Martin Itélé, c'est le ministre en charge du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, à l'ONEF du mois courant, suspendit tout enregistrement d'une naissance à père inconnu dans les registres de l'état civil. Une décision qui a été bien accueillie par l'administration communale Kayanza. Les autorités communales Kayanza demandent cependant la mise en place d'une loi précisant la recherche de paternité pour un enfant né d'un père inconnu. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Et avant de clore avec ce journal, les habitants de la sous-colline Mefo, colline Mishi, de la commune Musigati à la frontière de la Kibira, s'inquiètent d'un grand fossé qui s'est créé sur cette colline, causant ainsi un impact sur les maisons en aval. Les habitants de cette localité demandent aux autorités de leur donner d'autres parcelles pour déménager avant que le pire ne se produise. L'administrateur de la commune Musigati explique qu'il a déjà recommandé à ces personnes de quitter pour ceux qui n'ont pas où aller. C'est une question qui sera débattue dans la réunion du conseil communal selon cette autorité communale. Le point avec Spes Caritas Kavagnana. Cette fissure qui se trouve sur la colline Mishi, à partir de la Kibira jusqu'à la sous-colline Mefu, cause une inquiétude aux habitants de cette localité qui disent qu'ils peuvent enregistrer de grandes pertes si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Ils ajoutent que leur maison présente déjà des fissures car cette colline s'est scindée presque en 2 parties. Ces habitants de Mefu demandent aux autorités de les aider à déménager. Les responsables au niveau de l'environnement précisent que cette fissure a commencé petit à petit il y a 3 ans et s'est agrandie par après jusqu'à plus de 2 km de longueur. Le chef de colline Mishi fait savoir que les habitants de la sous-colline Mefu se comptent à 36 ménages, mais certains qui ont des moyens ont déjà déménagé. Pour ceux qui restent, l'administrateur de la commune Musigati, Joachim Ndoumukama, indique que la question sera débattue dans la prochaine réunion du conseil communal afin de voir comment aider ces personnes à quitter cet endroit. Space Caritas Kabanyana Mubanza, Radio Isanganiro. Et oui, c'est sur ce reportage de notre consoeur Space Caritas Kabanyana que nous mettons un point final à ce journal qui vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamahoro. Mes remerciements s'adressent à Anselme Irambona pour sa parfaite collaboration technique. Mais tout de suite, la revue de presse avec notre confrère Jean Bosco Ndouimana. Bonjour, bonsoir. Enfin, les bénévoles de la direction scolaire de Moutimbouzi obtiennent gain de cause, s'exclame la voix de l'enseignant. Son soulagement est intervenu après une rencontre réunissant les conseillers de la direction provinciale de l'éducation de Bujumbura, les autorités scolaires et les bénévoles de la direction communale de l'éducation de Moutimbouzi, qui avait pour but de trouver une solution liée aux arriérés de 4 mois de prime d'encouragement, souligne ce journal, qui précise qu'avec l'implication de la direction provinciale de l'éducation, les directeurs d'école ont été sommés de verser les frais collectés et qui trimbalaient dans leurs poches. Ainsi, les bénévoles ont suspendu le mouvement de grève qu'ils brandissaient, conclut cet hebdomadaire de l'éducation. Secteur minier, un nouveau souffle souhaité de tous les vœux, titre l'éditorialiste du journal Burundi Echo. Ce confrère rapporte certaines réalités révélées à l'occasion de l'analyse du projet de loi portant modification de la loi numéro 1/21 du 15 octobre 2013 portant code minier du Burundi et note, entre autres, le détournement avec mention exemplaire qu'en 2019, sur les 36 millions de dollars que le pays escomptait enregistrer, seuls 520 000 dollars ont atterri dans le trésor public. L'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique espère qu'à part les contrats qui ont été suspendus, occasionnant ainsi la perte même du peu de devises qui provenaient du secteur minier, des poursuites seront engagées à l'encontre de ceux qui n'ont pas rempli leurs obligations. Cela afin de faire retourner à César ce qui est à César. Selon ce journal, des experts disent que pour réellement tirer profit du secteur minier, la mise en place des unités de transformation des minerais reste une condition sine qua non pour avoir des produits finis. Mais ce confrère se demande si nous sommes capables de mettre en place notre propre industrie minière, s'il sera facile pour celle-ci de fonctionner avec le déficit énergétique qu'on enregistre. Mais l'éditorialiste du journal Burundi Echo reste optimiste qu'une fois que la bonne gouvernance aura pris racine, le secteur sera plus performant. Sport avec l'agence burundaise de presse qui écrit que la sélection nationale de rugby à 7 se trouve en île Maurice pour la phase éliminatoire des Jeux Olympiques de Paris 2024. La BP précise que cette phase pré-qualificative est prévue ces 24 et 25 juin. Au total, 12 sélections africaines vont essayer de se qualifier pour le tour suivant. Les 12 sélections sont subdivisées en 3 poules de 4 équipes chacune. Le Burundi figure dans la poule A aux côtés du Ghana, du Congo et du Nigeria. Seul le premier de chaque poule sera qualifié pour accéder au tour suivant. Ce quotidien note aussi que le rugby à 7 est la variante du rugby à 15 qui se joue par équipe de 7 joueurs sur le terrain. D'après ce quotidien, le président de la Fédération de rugby du Burundi, Albert Habyarimana, a tenu à mentionner que même si le ministère en charge des sports a accordé un soutien administratif à la Fédération de rugby, le soutien financier n'a pas suivi. Vers la mise en place d'un guichet spécial diaspora, Netpress reprend ainsi une note du commissariat général des migrations datée du 23 juin 2023 qui annonce aux membres de la diaspora qu'à partir de ce 26 juin, il y aura un guichet spécial diaspora dans les enceintes de cette bâtisse, au bureau numéro 127. Selon toujours cette note, les documents exigés sont la carte de résidence à l'étranger, le passeport ainsi que d'autres documents qui attestent que le demandeur réside à l'étranger. On termine cette revue de presse avec le journal Iwachu qui titre « Nyabugete, un port de pêche sacrifié pour des constructions d'un investisseur ». Son confrère révèle qu'une partie de son port est désormais en chantier pour un projet dit d'aménagement d'un site touristique Nyabugete Beach. Les pêcheurs indiquent que cet endroit était destiné au séchage de poissons pour qu'ils soient conservés ou exportés, écrit son confrère. Cet hebdomadaire note aussi que le commissaire général de l'Office burundais de l'habitat au bois, Charles Nhamvukiye, fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette situation et qu'il n'a jamais délivré une autorisation d'exploitation ou de bâtir à l'entrepreneur Obama, propriétaire de Nyabugete Beach. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduwimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.